Les chasseurs de nazis. Chapitre 5, les dessous de la traque. Deuxième épisode. Ce sont d'excellents spécialistes des armes à feu. Ils ont suivi l'un des programmes d'entraînement les plus impitoyables. Ce sont des maîtres de la chasse à l'homme. Leurs cibles vont du terroriste arabe au criminel de guerre nazi. Ils disposent des dernières technologies pour frapper au moment le plus inattendu. Ils font partie de l'élite des services secrets israéliens, le Mossad. Le Mossad, c'est comme le saut à l'élastique. Quand vous sautez, vous n'êtes pas certain d'être relié à l'élastique. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une publicité pour les services de renseignement israéliens, mais le début d'un documentaire comme la télévision en diffuse à foison. En reprenant la métaphore de l'élastique, vous allez découvrir que dans le monde du renseignement, et notamment dans celui de l'État hébreu, moralité et utilité sont des conceptions, disons, très extensibles. Véronique de Noël, vous avez écrit « Les guerres secrètes du Mossad », que le Mossad crée en 1949, un an après la création d'Israël. Son fait d'armes, c'est d'avoir capturé Eichmann en 60, de l'avoir jugé en 61 et de l'avoir pendu en 62. Mais derrière Eichmann, on pourrait dire, est-ce que le Mossad a fait quelque chose pour vraiment se saisir d'un passé douloureux et d'aller traquer les criminels nazis ? Le Mossad est une espèce de couteau suisse qui fait un peu tout ce qu'on lui demande. La priorité du Mossad à sa création et dans les décennies qui suivent, c'est absolument pas les criminels de guerre nazis. La priorité du Mossad, c'est d'arriver à permettre à l'État d'Israël de survivre dans un environnement extrêmement hostile. Donc les cibles du Mossad, c'est quoi ? C'est par exemple les scientifiques allemands qui viennent travailler sur un projet de missile dans l'Égypte de Nasser. C'est d'infiltrer les étages supérieurs de l'armée syrienne qui prépare des attaques contre Israël. C'est d'essayer de trouver des alliances dans des pays périphériques du monde arabe en rendant des services qui permettront en échange d'avoir des alliés. Et c'est notamment d'essayer de convaincre les services secrets américains que le Mossad leur est indispensable dans cette région du monde. Donc c'est pas du tout leur sujet, en fait, les criminels de guerre nazis. Et c'est même pas tellement le sujet de l'opinion publique israélienne des années 50. Donc on se trompe complètement quand on dit mais ont-ils été efficaces ou pas ? C'était pas la question d'être efficace, c'était la question de faire ce qui était les priorités pour un service qui, rappelons-le, est quand même beaucoup plus petit que la CIA ou que les services secrets soviétiques, par exemple. Alors, ils sont extrêmement efficaces, mais on ne peut pas leur reprocher de ne pas courir après les criminels de guerre nazis dans la mesure où on ne leur demande pas. Prenons par exemple le cas de Otto Skorzeny, ancien chef d'une unité de forces spéciales, un peu chouchou de Hitler, c'est une espèce de Superman des forces spéciales allemandes. Portrait par la chaîne Histoire du Superman qui intéresse beaucoup le Mossad. Otto Skorzeny naît à Vienne en 1908. Son père dirige une entreprise de construction mécanique prospère, mais la famille n'est pas épargnée par la crise économique qui suit la Première Guerre mondiale. À 18 ans, Skorzeny entre à l'université de Vienne. Chose courante à l'époque, le jeune homme prend part à des duels. Au cours de l'un d'eux, il est blessé à la joue gauche et garde une profonde cicatrice qui lui vaut le surnom de Balafré. Cette expérience va le marquer pour le restant de ses jours. Il déclarera plus tard: ma connaissance de la douleur forgée par le sabre m'a appris à ne pas craindre le danger. Dans un duel, il faut se concentrer pour frapper l'ennemi à la tête. Il en est de même à la guerre. Il faut décider quelle sera sa cible, puis attaquer. C'est lui qui va dans les Abruzzes rechercher Mussolini tombé aux mains de la résistance italienne. Alain Decaux a aussi son mot à dire dans cette histoire rocambolesque. Mission de Skorzeny, savoir où se trouve. Il cherche éperdument et ne trouve pas pendant 3 semaines. Il piétine à Rome, où il est avec Student. Et puis enfin, les services allemands déchiffrent un message envoyé par les Italiens: renforcer mesures surveillance au Grand Sasso. Immédiatement, Skorzeny frette un avion d'observation, survole à très haute altitude le Grand Sasso, aperçoit un hôtel, des troupes italiennes autour de cet hôtel. Il prend les photos et quand il rentre, on conclut que sûrement c'est là que se trouve Mussolini. Alors, comment y aller ? Le téléphérique ? Impossible. Il suffit aux troupes italiennes qui sont là-haut de couper le câble. alors y aller par voie des airs. Justement, Scorzeny a repéré une prairie, non loin de l'hôtel, une prairie triangulaire. Et cette prairie, il lui semble qu'elle est en pente douce. Alors, on pourrait, pense-t-il, faire atterrir là des planeurs qui porteraient un bataillon de choc qui attaquerait les troupes italiennes. Quant au Duce, on lui ferait, une fois les troupes italiennes annihilées, on lui ferait prendre le téléphérique. Il descendrait jusque dans la vallée et là, un autre bataillon de choc, arrivé par la route, l'attendrait et le ferait monter dans un avion, un petit Storch, qui l'emmènerait plus loin, qui le libérerait. Voilà le plan qui est proposé et accepté par Studen. Reste à le réaliser. Pour cela, on fait venir de France des spécialistes, des troupes aéroportées avec des planeurs. Reste à fixer le jour, l'heure H. Elle changera, cette heure H. Finalement, c'est le 12 septembre, à 13h, que décolle le train de planeurs, les trains de planeurs qui emmènent les troupes de choc qui doivent libérer Mussolini. Von Berlex et Scorzeny les commandent, tandis que Morse, lui, est parti par la route pour prendre sa place dans la vallée, au bas du téléphérique. Voici qu'on arrive au-dessus du Grand Sas. Les planeurs se décrochent et descendent lentement vers la fameuse prairie repérée par Scorzeny. Et Scorzeny a raconté que, à mesure qu'on s'approche du sol, l'angoisse l'a saisie, car cette prairie qu'il pensait être en pente douce est en réalité en pente parfaitement abrupte. Et le pilote affolé dit « Mais je ne peux pas me poser là, alors posez-vous près de l'hôtel. » Et le planeur glisse et se pose non loin de l'hôtel, évidemment dans un énorme bruit de bois cassé. Les hommes sont indemnes, ils en sortent. D'autres planeurs qui se sont posés arrivent d'autres hommes, et tous mitraillettes au point, se ruent sur les soldats italiens. Il faut dire qu'il n'y a aucune défense. Il n'y aura pas la moindre tentative de défendre le Duce. Il y aura juste un officier qui voudra s'interposer, un officier italien, et quand on lui dira « Rendez-vous et pas un mot de plus », il répondra « Oui, à une condition, c'est que vous preniez un verre avec vous ». On ne peut pas dire que ce soit vraiment sanglant comme opération. Quant à Scorzeny, lui, il cherchait éperdument. Où est le Duce? Il l'aperçoit à une fenêtre, il monte 4 à 4, les marches, fait irruption dans la chambre où se trouve Mussolini. Duce, c'est le Führer qui m'envoie. Je savais, dit Mussolini, qu'il ne m'oublierait pas. Quand j'ai reçu l'ordre, Hitler m'a dit, mot par mot, il faut sauver Mussolini, mon ami Mussolini, coûte que coûte, parce que c'est le dernier Romain. Interview d'Otto Scorzeny en 1970. J'ai crié mes ordres sur les fenêtres, j'ai demandé le commandant de l'hôtel. Il est venu, je lui donné une minute de pensée de se rendre. Et alors, j'ai seulement le temps de me présenter au Mussolini. Il m'a dit, je sais que Hitler, mon ami Hitler, ne me oublie pas. Et j'étais sûr qu'il fait quelque chose pour me sauver. Après la guerre, il est réfugié en Espagne. C'est quelqu'un qui va donner des coups de main pour aider un certain nombre de réfugiés anciens nazis. L'historien du renseignement, Yvonique de Noël. Là où ça devient très ironique, c'est qu'on sait aujourd'hui que le Mossad l'a approché quand il était en Espagne et lui a mis le marché en main. On peut vous tuer, ou bien alors vous nous aider. Et l'aide que demandait le Mossad à Scorzeny n'était pas du tout pour justement capturer des anciens nazis. Leur but, c'était de faire en sorte que les scientifiques allemands qui travaillaient en Égypte sur le programme de l'équivalent des V2 qui était dirigé contre Israël soient assassinés, soit partent d'eux-mêmes de manière à ce que ce programme s'interrompe. Et Scorzeny, de manière assez hallucinante, va effectivement, tout en continuant d'aider d'anciens nazis, va effectivement collaborer avec le Mossad pour effectivement faire assassiner quelques scientifiques allemands qui avaient le malheur de travailler pour l'Égypte. À demain. Pour la suite des chasseurs de nazis, une histoire racontée par Jean-Philippe Navarre et Michel Pomarède.